dans la nuit, tous les trois de rêver le jour. Je me retrouve chaque fois plus malade. J'ai construit un village sous l'égide des anges, où je veux qu'ils m'apprennent à nouveau leur langage. Pas de loi pour public et pas de protocole, pas de mots inutiles. Se reflète dans l'eau de ce domaine, ou même si tu es vieux, tu peux te revoir enfant. Tu n'as qu'un pas fait pour caresser le temps. Je veux prendre ta main, t'emmener au village. J'ai trop besoin d'amour dans le monde où je vis. Est-ce une infirmité? J'y tiens plus qu'à ma vie. J'ai trop besoin d'amour dans le monde où je vis. Est-ce une infirmité? J'y tiens plus qu'à ma vie. J'ai trop besoin.